Molina, la légende est ton papa. Ton maman, sauf, vas-y doucement. Depuis tout ce temps, toi et moi, nous sommes ensemble. T'as jamais voulu voir ni mon papa, ni ma maman. Alors, vas-y doucement. Sa Majesté et Banda Gustave, le grand Saoudien Tambe, écoute. Et tout ma pota, bisana wale nandikom, aussi poulina, la légende est ton papa. Ton maman sonne, vas-y doucement, amoumi. Bonda bisanda wale nodiba to jumbara jombe to jelele wande na yande bana e son vazi dusuma dusuma dusuma vazi dusuma moi je sais que tu me manques dusuma dusuma vazi dusuma moi je sais que tu me manques ongo ongo ongo ongo ongo. Écoutez, Amoumi, Amoumami, je ne fume pas la pipe. Yo, Wandoben, aussi pour la Nikaï. Amoumi, Amoumami, je ne fume pas la pipe. Le bailleur de fond, Léo Léo, international. Nanga, nanga, nanga, nanga, sima, sima, c'est. Zania.